toute la semaine en écho au 10e anniversaire des émeutes de banlieue et bien d'autres émissions que La Fabrique participe dans la chaîne France Culture à ces questions, en particulier les nouveaux chemins de la connaissance ou encore les nouvelles vagues cet après-midi. Et bien La Fabrique vous invite à réfléchir à la façon dont les images, peintures, photographies, cinéma ont rendu compte des révoltes. Lundi, l'historien Marcus Rediker nous a raconté comment une révolte d'esclaves, ceux de l'Amistad, a été représentée dans la première moitié du 19e siècle, mais également avec le cinéma à la toute fin du 20e siècle. Hier, le documentaire de Victor Massé de Lépinay et Anne Fleury a plongé dans un tableau allégorique, rappelant dès le lendemain des événements la révolte du papier timbré au 17e siècle en Bretagne. Après la peinture hier, nous allons ce matin, avec Victor Massé de Lépinay, qui a préparé cette semaine avec nous, nous intéresser à l'art 19e siècle de la photographie. Comment la photographie a-t-elle rendu compte des révoltes et des révolutions du 19e et de la première moitié du 20e siècle? C'est la question que nous poserons à Heinz Steiner. Elle est maître de conférence à l'université Paris-Ouest Nanterre en sociologie et auteur du Goût de l'émeute et également du Temps des révoltes, tous deux publiés aux éditions de l'Échappée. On en parlera avec elle. Et elle a participé également au dictionnaire Métron des anarchistes. Christian Yoschke sera également avec nous. Il est maître de conférence au département d'histoire et d'archéologie de Paris-Ouest Nanterre, auteur des Yeux de la Nation, photographie amateur et société dans l'Allemagne de Guillaume II aux presses du Réel et auteur d'un photopoche sur la Première Guerre mondiale. Éric Fournier est également avec nous. Il est maître de conférence à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire de la commune au 19e siècle et de la représentation de la commune. Il est au centre d'histoire du 19e siècle et a participé récemment à l'ouvrage collectif dirigé par Jean-Claude Caron sur Paris, l'insurrection capitale aux éditions Champvallon. Bonjour Victor Massé de Lépinay. Bonjour Emmanuel. Alors, il faut peut-être expliquer à nos auditeurs l'exercice que nous allons faire accomplir à ceux qui sont et celles qui sont autour de cette table, c'est-à-dire de décrire des photographies que les auditeurs ne verront pas forcément, mais c'est un travail de description que nous faisons à la radio puisque nous savons très bien nous passer de l'image, c'est ça? Mais oui, hier on a fait 50 minutes sur un tableau, aujourd'hui on peut bien faire quelques minutes sur des photographies que nos invités vont nous décrire. Et bonjour Heinz Steiner. Merci d'être avec nous. Vous avez publié Le Temps des révoltes, donc une histoire en carte postale des luttes sociales à la Belle Époque aux éditions de l'Échappée qui vient tout juste de sortir. Nous sommes également avec vous, Christian Yoschke. Bonjour Emmanuel. Spécialiste d'histoire de la photographie, en particulier de la photographie amateur et là en l'occurrence de la photographie ouvrière. On en discutera avec vous dans un instant. Et bonjour Éric Fournier. Bonjour. C'est avec vous qu'on va commencer cette émission puisque dans l'article que vous avez consacré à la question des représentations en images du révolte du 19e siècle dans cet ouvrage qui s'appelle Paris, l'insurrection capitale aux éditions Champvallon, eh bien vous faites le joint entre ce dont on a parlé hier, la représentation picturale ou gravée pourrait-on dire, et la représentation photographique, car effectivement le 19e siècle c'est celui de l'émergence de la photographie, mais la photographie ne prend pas en compte tout de suite la question des révoltes et des révolutions du 19e siècle, c'est la gravure essentiellement qui le prend en compte. Oui, en effet, il est frappant de constater que les gravures des révolutions de 1830, février 48 et des journées de juin 48 se caractérisent par une véritable richesse narrative qui en fait appelle à poursuivre la lutte, un peu sur le modèle de la liberté guidant le peuple de Delacroix. Et le problème avec l'apparition de la photographie lors de la Commune, qui est la première révolution française photographiée, c'est que la capacité narrative de ces images fixes, le temps de pose est de plusieurs secondes, donc on ne peut pas représenter grand-chose et surtout pas grand-chose d'animé. Le problème, c'est que ces photographies, en fait, ferment les horizons. C'est-à-dire, elle n'ouvre sur rien. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est que dans cet article, c'est que au 19e siècle, dans la première partie du 19e siècle, peut-être aussi l'habitude de ce qui s'est passé avec la Révolution française, enfin, il y a une sorte de dynamique interne aux images produites. On voit les mouvements de foule, on voit les meubles qui volent, on voit les bourgeois au balcon des maisons soutenir dans la rue, devant la rue, les gens qui sont dans la rue pour pouvoir faire la révolution. Et cela, ça donne des images dynamiques. On voit aussi les cuirassiers en train de charger les barricades. Ensuite, la photographie, parce qu'elle est un art nouveau, d'une certaine façon, va figer ces représentations très dynamiques qu'on connaissait par la gravure et par la peinture. Oui, exactement. Il y a évidemment une contrainte technique, c'est que le temps de pose est de plusieurs secondes. Donc, même faire poser des personnages, il faut les faire poser assis, dans des postures très figées. Donc, la photographie s'adapte à cette contrainte, D'abord sur les théâtres d'opérations militaires. Mmh. Donc les premières photographies de guerre, c'est la Crimée, la révolte des Sipaïs en situation coloniale 1857 et la guerre de sécession. Ce que peuvent représenter ces photographes, c'est des morts, des champs de bataille après la bataille ou des soldats qui posent de façon aussi figée que plastronnante. Mais dans ces conditions, on ne peut pas représenter ou très peu représenter la dynamique insurrectionnelle, la souveraineté populaire. On peut plus facilement représenter le retour à l'ordre, les cadavres des communards, les ruines. Les ruines, c'est deux tiers des photos de la commune déposées au dépôt légal. Mmh. Victor Massé de l'Épinay. Oui, Eric Fournier, il y a aussi le point de vue des photographes, il y a les contraintes techniques. Est-ce que finalement les photographes qui photographient la commune, et les ruines en particulier, ne sont pas dans l'ensemble assez hostiles à la commune, ou plutôt partisans de l'ordre? Il y a les photos qui montrent quelque chose de figé, qui montrent le chaos, mais il y a aussi un point de vue et une volonté des photographes peut-être. Alors effectivement, tous les photographes de la commune, sauf un, Bruno Braquet, sont des auxiliaires de l'autorité et se définissent comme tels, par exemple dans leur journal corporatiste, le Moniteur de la photographie, se définissent comme des auxiliaires de l'autorité, accompagnant les soldats en campagne, donc Crimée, Mexique, maintenant la commune, et par ailleurs, les autorités sont un de leurs principaux clients. C'est-à-dire que dès la défaite de la commune, les autorités militaires et civiles demandent aux photographes, autour du journal Le Moniteur de la photographie, de fixer des images de Paris en ruine en guise d'archives. Donc il y a aussi une contrainte assumée, mais l'État est l'un des premiers clients de ces photographes. Et d'autres investissent ce marché. Par exemple, Eugène Appert, connu pour ses photomontages de communards morts, était quand même un sacré personnage puisqu'il s'autoproclame expert près du tribunal de la Seine. Enfin, personne ne lui a jamais décerné ce titre. Obtient un marché public pour photographier les communards emprisonnés. Donc, récolte des bénéfices. Vend ces mêmes photos aux familles des communards et s'en sert ensuite en les découpant pour ses photomontages qui connaissent un certain succès. Donc, ils se définissent... Expliquez-nous ces photomontages, parce que c'est très intéressant que de savoir qu'effectivement, il y avait déjà du photomontage à cette époque-là, juste après la Commune. Qu'est-ce qu'il tente de faire par ces photomontages? Il prend des figurants et il met les figures des communards dessus. Comment ça se passe? Alors, il y a trois possibilités. Soit on photo plus dessin, donc des collages, soit effectivement... C'est John Hartfield avant la lettre, mais ouais, John Hartfield conservateur. Voilà, c'est ça, John Hartfield conservateur. Donc soit des découpages, on colle les têtes des communards photographiés dans les prisons de Versailles sur des corps de figurants ou sur des dessins. Donc évidemment, nous, ça ne nous abuserait plus aujourd'hui, c'est pas du Photoshop avant la lettre. Mais il faut voir que la photographie est quand même... souvent rapidement considéré comme un œil témoin, mécanique, dépassionné, et que confronté à cette nouveauté qu'est le photomontage politique, les réactions du public pouvaient être mitigées, en fait. Alors, parlez-nous de Jules Andrieux aussi, par exemple. Jules Andrieux, je crois, c'est celui qui fait les désastres de la guerre et de la commune. Lui aussi, il est, disons, de façon très ouverte, du côté du pouvoir. Oui, en fait, il montre les ruines, c'est-à-dire le legs des communards, et donc il montre à la fois les crimes des communards, les incendies, mais en effaçant soigneusement les communards du tableau. C'est-à-dire que c'est un effacement infamant. Les communards ne sont même pas nommés, représentés, fussent sous forme de cadavres ou de criminels, mais restent leurs crimes. C'est du Hubert Robert, façon ruine 18e siècle en peinture, mais transcrit dans ce 19e siècle, de la fin du 19e siècle urbain. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils se définissent en concurrence avec les peintres ou les écrivains. Et ils ont compris qu'il fallait qu'ils montrent aussi leur capacité à construire des ruines appréciable, esthétique, à partir de décombres encore fumants de la guerre civile. D'où ce goût de la ruine qui sera la marque de la photographie de 1871 en particulier. Oui, c'est vrai, exactement. Le goût de la ruine, c'est à la fois les crimes des communards et la capacité technique du photographe. Alors, puisque cet exercice est de décrire pour nos auditeurs des photographies qu'ils pourront voir ensuite sur le site de France Culture à la page de la Fabrique de l'Histoire, vous en avez choisi trois, justement, de celui dont vous dites c'est le seul qu'on ne puisse pas accuser, en l'occurrence Éric Fournier, qu'on ne puisse pas accuser d'être un pro versaillais d'une certaine façon. Alors, c'est Bruno Braquet, et en fait, par solidarité avec les auditeurs qui ne voient pas les photos, la photo que je vais commenter, je ne l'ai pas sous les yeux non plus, j'ai en mémoire. C'est bien de Bruno Braquet. Et alors, Bruno Braquet, effectivement, est le seul photographe présent à Paris qui fait des reportages photographiques avant la lettre, favorables à la Commune. Mais ce n'était pas évident, parce que c'était un photographe d'atelier, pas spécialisé dans les reportages photographiques. Il n'avait pas de sympathie communarde a priori. Et pourtant, sans doute sous l'effet de sa présence à Paris pendant les événements, il fait les seules photographies empreintes de sympathie et d'empathie avec les communards. Et notamment une série photographique sur la démolition de la colonne Vendôme, dont on a quelques exemples assez connus, et notamment une photographie où l'on voit un groupe de communards, hommes, femmes, enfants, certains en uniforme, d'autres en civil, qui posent sur la place Vendôme après la chute de la statue. Alors, on a plusieurs photographies, certaines où l'on voit très bien la statue de Napoléon à terre, d'autres où l'on voit les communards avec les tronçons de la colonne Vendôme. Mais il y en a une où, et c'est pour ça qu'elle m'intéresse particulièrement, en fait, la destruction est suggérée. C'est-à-dire que les communards sont devant, en fait, les débris, posent, et surtout ont accepté de prendre la pose. C'est l'une des rares photographies où l'on voit en haut à gauche des marins et des soldats. Donc les marins de la Commune, en fait, c'était la flottille de la Seine, mais qui avait posé les cabestans pour faire tomber la colonne, d'où leur présence centrale. Bon. Et ces marins, ces gardes nationaux, l'un a son épée levée, les autres agitent leur chapeau, ce qui veut dire qu'ils ont accepté de prendre la pose pour Braquehay. Donc de voir en lui un ami. Exactement, de voir en lui un ami, surtout que Braquehay étant sourd et presque muet, ça ne devait pas être un orateur remarquable. Donc il a réussi à les convaincre malgré tout de prendre la pose, plusieurs secondes, donc ça donne une singularité à la photographie. Et l'on voit au premier plan deux interprétations possibles de la Commune. La première, c'est la Commune comme fête populaire émancipatrice, mise en évidence par Georges Lefebvre dans les années 60. On voit des communards qui se tendent la main, des civils, des militaires, deux enfants endimanchés. Mais on voit aussi, ce qui est tout à fait intéressant, et là on le voit sur toutes les photos de Braquehay sur la démolition de la colonne Vendôme, on voit des gardes nationaux qui posent fièrement leurs fusils à la main. Et là, on accède sans doute au cœur de la Commune, c'est-à-dire ce citoyen combattant qui exerce sa souveraineté collectivement armée. Victor Massé de l'Épinay. J'aimerais quand même vous demander quelque chose. On a du mal à comprendre pourquoi les photos de ruines, parce qu'elles sont statiques, parce qu'il n'y a pas de communards dessus, sont, dites-vous, finalement hostiles à la Commune et font passer au public une image de chaos. Et pourquoi cette photo, uniquement parce qu'elle serait dynamique, serait quelque chose de favorable à la Commune. C'est quand même, comment est-ce que le public recevait ces photos de Braquehay? On imagine quand même qu'il y avait tout un tas de gens qui voyaient la destruction de la colonne Vendôme. Le fait même de la voir, c'était quelque chose de terrible pour un grand nombre de gens à l'époque. Oui, alors évidemment, la plupart des Versaillais voyant cette photo ont été horrifiés. D'abord, que font ces soldats passés du côté de l'insurrection? Que font ces enfants au milieu des ruines? Mais d'un autre côté, c'est la seule photo qui montre le peuple librement assemblé sur la place publique et qui, pour une fois, n'est pas expulsé du paysage parisien. Donc c'est, par défaut, la seule photo qui pourrait être pro-communarde. Mais sachant que, par ailleurs, les photos de Appert sur les communards emprisonnés servaient aussi de souvenir aux familles des communards. Donc il y a un usage des photos qui dépasse l'intention du photographe. Et puis, parmi ces photos de Braquehay, il y a une photo prise de haut sur la place Vendôme, avec une sorte de paysage à la place Vendôme. La colonne est à terre. On voit les milliers de morceaux de la colonne Vendôme au centre de la place Vendôme. Et devant, et c'est là où la question du dynamique et du mouvement est formidable, c'est on voit presque des fantômes, puisqu'il y a des personnes qui ont pris la pose pendant un certain temps, mais d'autres ont bougé pendant la photographie, et on les voit donc avec une silhouette fixe et assez bien ancrée, pourrait-on dire, tandis qu'il y a les sortes de fantômes du personnage, parce qu'il a bougé pendant la prise de la photographie. Éric Fournier. Oui. Tout à fait, ça on le voit ensuite sur les photos des ruines avec les passants se promenant au milieu des ruines. Mais étonnamment, ce dispositif qui permet finalement de montrer des fantômes et qui là est facilement réalisable du fait des contraintes de l'époque, est assez peu utilisé par les photographes parce que précisément, eux, ils veulent Il fit prétendre donner un accès direct à la réalité par l'œil témoin photographique. Donc c'est vraiment la question du pictorialisme, c'est de rendre compte, comme un peintre pourrait-on dire, de la réalité. Voilà, et mieux qu'un peintre. Mieux qu'un peintre. Voilà, c'est ça, ils se définissent en opposition aux principaux concurrents. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes aux larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais sabrant-le dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Les journaux de l'ex-préfecture, les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par aventure, les complaisants, les décorés, gens de bourse et de coins de rue, amants de filles au rebut, grouilleux comme un tas de verrues sur les cadavres des vaincus. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau. Une interprétation de la semaine sanglante par Serge Hudget-Royot. Et tout de suite, on continue cette journée consacrée dans la Fabrique de l'Histoire, cette émission, consacrée aux usages de la photographie dans le cadre des révoltes, révoltes ouvrières à la fin du 19e siècle, avec vous, Victor Massé-d'Épinay, et avec Christian Yoschke, après avoir évoqué avec Éric Fournier la question de la Commune et de ces photographes qui étaient plutôt du côté des forces de l'ordre qui photographiaient les ruines de la Commune, on va s'avancer dans ce 19e siècle. Oui, Christian Yoschke, Éric Fournier vient de nous dire que les photos, par exemple, d'Appert, qui étaient des photomontages plutôt hostiles aux communards, étaient... Également, les familles des communards se les appropriaient parce que c'était tout ce qu'ils avaient. On voit l'ambivalence des photos. Et vous vous êtes intéressé au début de la photographie amateur. Et donc les photographes commençaient à se poser la question de l'ambivalence de leur œuvre, de la façon dont elle était reçue par le public. Comment ça se passait à la toute fin du 19e, en particulier pour les photographes amateurs qui n'étaient peut-être pas directement liés aux forces de l'ordre ou aux forces politiques? Oui, alors ce qui est clair avec Jeanne Appert, c'est que les photographies qu'il réalise dans les prisons versaillaises sont des photographies un peu d'identification judiciaire avant l'heure, qui sont utilisées par la police pour des... C'est pas Bertillon, mais ce sera bientôt Bertillon. Oui, voilà, exactement. Elles sont collées dans des albums de police et en même temps vendues aux familles de communards. Et la fameuse photographie de Louise Michel, que tout le monde connaît, a été réalisée dans ces conditions, dans sa cellule. Et en effet, ce sont des photographies qui, à l'origine, sont des photographies infamantes, puisqu'elles sont prises dans le contexte de la prison et dont le sens va changer. Et le problème de l'ambivalence des images, il est au cœur de l'histoire de la photographie. Suzanne Sontag, dans son dernier livre, « Devant la douleur des autres », ouvre le livre sur cette question-là, c'est-à-dire on ne peut pas... supposer que la photographie d'une guerre et des désastres de la guerre inspire à celui qui la regarde un message pacifiste. Elle peut aussi lui inspirer un message revanchard. On peut aussi voir dans cet enfant mort un enfant soit palestinien, soit israélien. Donc le problème, c'est de donner à ces photographies un sens et de leur faire affirmer un point de vue. Alors c'est le problème qui va se poser pour les pour les photographes ouvriers de l'entre-deux-guerres sur lesquels je travaille actuellement. Entre-temps, il y a eu une invention par rapport à ce que disait Éric Fournier, c'est l'instantané en l'occurrence, Christian Yoschke. C'est-à-dire que ce qui va se changer dans cette fin du XIXe siècle, c'est disons une mobilité plus grande, une facilité plus grande de produire de l'image et donc de faire des images plus dynamiques, puisque nous avions commencé cette émission en expliquant qu'on était passé du dynamisme des gravures autour des révolutions de 1830 ou 1848 à la fixité du regard du photographe pour des raisons techniques à la fin du 19e siècle. Mais là, ça évolue aussi, Christian Yoschke. Oui, il y a une évolution technique évidente. On peut diviser un peu cette histoire en trois phases. Il y a la phase du collodion humide qui est celle dont parlait à l'instant Éric Fournier, c'est-à-dire les photographies de la Crimée, les photographies de la révolte des Sipayes, la photographie de la Commune sont des photographies réalisées sur collodion humide. Ça suppose un long temps de pause, ça suppose la préparation des plaques sur place. C'est-à-dire qu'il faut se déplacer avec son laboratoire. Ensuite, avec l'arrivée du gélatino-bromure d'argent dans les années 1880, on peut photographier en instantané avec des appareils de plus petit format et en utilisant des plaques qui sont commercialisées, qui sont diffusées, qui sont des plaques sèches, c'est-à-dire en emportant avec soi les négatifs. Et puis il y a le petit appareil qu'on va créer. Les appareils, le format des appareils diminue. Hein, on parle d'appareils d'appareils secrets, d'appareils espions, voilà. Alors que les formats sont quand même, c'est quand même des petites boîtes qui ressemblent, disons, à qui sont des boîtes de 9 par 12. Mmh. Donc, ils sont pas si petits, les appareils, mais ils sont légers. Mmh. Ils sont légers, on peut les emporter. Et la qualité s'améliore d'année en année. Et l'arrivée du folding, c'est-à-dire l'appareil qu'on peut replier. À souffler. L'appareil à souffler, évidemment, et aussi assure le dynamisme de la prise de vue. Alors, ça ne veut pas dire pourtant que, malgré cette capacité d'avoir des appareils plus légers et peut-être un peu plus populaires, entre guillemets, que ce sont les classes populaires qui se parent de ce nouvel outil. Ce sont d'abord des bourgeois, ce sont des clubs de photographes amateurs qui se créent et qui sont plutôt dans la lignée de ce que décrivait tout à l'heure Éric Fournier. Dans la toute fin du 19e siècle et le tout début du 20e siècle, c'est plutôt des clubs amateurs qui sont du côté, disons, de l'ordre, qu'ils soient républicains ou impérial, selon qu'on se trouve en France ou en Allemagne, Christian Yoschke. On trouve assez peu de photographies de révolte dans les mouvements d'amateurs photographes de la belle époque, de la fin de siècle et du début du 20e siècle. En effet, la photographie se diffuse dans le sujet de mon livre « Les yeux de la nation » montre qu'elle se diffuse dans des clubs d'amateurs plutôt bourgeois et conservateurs, même s'ils sont très novateurs aussi du point de vue esthétique ou dans les usages de la photographie dans différents domaines comme l'architecture, la science, etc. On reste quand même dans des milieux relativement bourgeois et on trouvera dans ce contexte-là assez peu de photographies de révolte. En revanche, des photographes professionnels photographiant les révoltes, on en connaît dans le milieu anarchiste, comme le montrait tout à l'heure, je pense, Einsteiner. Alors, Einsteiner, justement, il y a quelque chose, il y a un média à part entière, vous allez peut-être nous dire pourquoi, qui a commencé à diffuser très largement la photographie. Là encore, c'est lié à une invention technique, qui est l'invention de la phototypie, peut-être vous allez pouvoir nous en dire quelques mots. Et ce média, donc, c'est la carte postale, qui est évidemment un instrument de correspondance, mais qui est un média à part entière, qui fonctionne comme un média pour les photographes, avec presque, on pourrait dire, des rédacteurs en chef, des pigistes, des envoyés spéciaux, enfin, il y a tout un réseau de photographes et des cartes postales qui sont diffusées. Dans votre livre, vous parlez en 1907, 300 millions de cartes postales éditées en France. Ça veut dire que là, la photo envahit littéralement le paysage et beaucoup de photos de révolte, là, pour le coup. Oui, enfin, on fait des cartes postales avec tous les événements, hein, en fait. Alors, il y a évidemment les cartes postales de paysages, etc., de monuments, mais... Il peut y avoir des cartes postales de processions religieuses, etc. Dans enterrement de personnalité, exposition universelle, inauguration, etc., course hippique. Mais aussi les faits divers, J'ai trouvé pas mal de cartes postales autour de l'affaire Soleillan, par exemple, un meurtrier d'une petite fille découpée en morceaux dans une malle, une grosse affaire qui a retardé l'abolition de la peine de mort, dont il était question pourtant à cette époque. Et bien, il y a des cartes postales qui représentent la malle où on a trouvé les débris de l'enfant. Enfin, c'est extrêmement macabre. Voilà, ce type d'événement est représenté. Et bien sûr, les mouvements sociaux, les grèves, et les grèves révoltes. Donc j'en ai sélectionné pour ce livre 9, mais j'avais traité de 2 autres grèves fameuses de la Belle Époque qui ont fait l'objet de très nombreuses représentations en cartes postales également. C'est celle de Draveil, des carriers de Draveil en 1907 et des boutonniers de Méru en 1910. Et pour chacun de ces événements, on a plusieurs dizaines de cartes. Enfin, ça varie entre 10 cartes et une trentaine, quarantaine de cartes qui sont produites soit par de grands éditeurs de cartes postales, des grands éditeurs qui emploient jusqu'à 250 salariés et qui sont basés pour la plupart à Paris et qui envoient des reporters. Ils ont un réseau, en fait, ils travaillent avec des photographes locaux sur toute la France. Ils commandent des reportages et aussi ils peuvent envoyer des reporters sur place. Et puis un certain nombre de ces cartes sont faites par des gens du cru, en fait, le photographe qui tient boutique et qui fait les portraits de famille, les mariages, etc. Lorsque se produit ce type d'événement, bah, est sur place et fait son reportage. Vous en avez choisi 2 à décrire dans cette émission où on décrit des photographies justement de la fin du 19e siècle et de la Belle Époque en particulier. Qu'est-ce que vous allez nous décrire maintenant, Anne Schneider? Voilà, les événements que j'ai traités vont de 1905 à 1914, voilà. Une période où il y a entre 1000 et 1500 grèves chaque année. Des grèves qui durent une moyenne de 15 jours, je le précise, parce que c'est très important, vraiment des années de très grande turbulence sociale. Et donc j'ai choisi une carte postale représentant la grève de 1905 à Limoges, du printemps 1905, qui démarre dans des usines de chaussures, enfin c'est la chaussure et la porcelaine, les deux industries phares de la ville, et qui, autour de demandes de départ de contremaîtres, c'est le moment où on met en place une discipline industrielle dans les ateliers pour augmenter la productivité, c'est très mal ressenti par les ouvriers et les ouvrières. Il y a quand même 37% des ouvriers qui sont des ouvrières à cette époque, faut le dire. Les femmes n'ont pas commencé à travailler pendant la guerre de 14, mais bien avant. Et parce que le contremaître en question exerce un droit de jambage sur les ouvriers. Oui, alors là, voilà. Quand c'est, après, ce sont les porceliniers qui sont mis en grève, exigeant le départ d'un contremaître. C'est la fameuse maison à Villan. Et ce contremaître est accusé par la presse ouvrière, qui rapporte les discours des ouvriers, d'exercer un droit de cuissage, on disait de jambage alors, sur les ouvrières, pratique extrêmement fréquente. Parce que le contremaître, c'est celui qui distribue les amendes, mais aussi les primes, qui octroie les postes de travail à des postes plus confortables que d'autres. Et puis, il peut aussi demander le renvoi de certains et de certaines. Donc, il a effectivement de quoi exercer un chantage sur les ouvrières. Il semble que le contremaître en question, Penaud, qui s'appelait Penaud, exerçait le droit de jambage. Donc, en fait, comme les porceliniers à Villan, les patrons porceliniers tenaient d'origine américaine, tenaient les deux plus grandes entreprises de porcelaine de la ville, ils ont un pouvoir sur les autres patrons. Donc, tous les patrons licencient, prononcent le lock-out, et ça met 10 000 ouvriers et ouvrières à la rue. Donc, toute la ville s'insurge. Il y a une journée d'émeute. Les armureries sont pillées. Il y a des barricades dans toutes les rues de Limoges. Et suite à ça, il y a des interpellations pour récupérer les armes. Une dizaine de personnes sont interpellées. Donc la population exige la libération, se rend à la préfecture. Il y a des milliers de personnes qui attendent. Le préfet refuse d'élargir les prisonniers. Du coup, ils se rendent à la prison. Alors la prison est en plein centre-ville. C'est un bâtiment du centre-ville. Ils enfoncent la porte. Une prison 19e digne de l'œuvre de Foucault, en l'occurrence. Mais alors ce qui est très étonnant, c'est qu'elle est au cœur de la cité. Ouais. Et il y a plein de publicités sur les murs. Absolument, on est très étonné de ça. C'est quelque chose. Des publicités pour la Gauloise, pour le Crédit Immobilier Français. Oui, la Gauloise, ça semble être une boisson, en l'occurrence. C'est une bouteille. Exactement. Et pour les assurances néerlandaises, donc pour la sur la la vie avec des tarifs avantageux. Alors la porte est enfoncée, ils arrachent des poteaux indicateurs, bon, et ils arrivent effectivement à détruire le portail, mais pas à libérer les prisonniers. La troupe arrive, plusieurs milliers de soldats, et il y a un mort, des blessés très graves. Et le lendemain, Prosper Battier, qui est un photographe local et qui a réalisé l'essentiel des clichés relatifs à cette grève, photographie ce portail de prison défoncé devant lequel posent un certain nombre d'habitants. Et une femme notamment qui tient son panier à la main regarde le photographe d'un air extrêmement hostile. Hostile, hein. Effectivement. Elle est accompagnée d'ailleurs d'un ouvrier à casquette et à cravate, juste à côté d'elle, qui lui aussi n'a pas l'air très, très content d'être photographié. Il a un air plus interrogateur. Ouais. Elle est franchement hostile. Et au premier plan, il y a un enfant. Il fait de très jolies compositions, Prosper Battier. Il connaît les habitants de Limoges. Bon, il les photographie. Il a photographié essentiellement des scènes de barricades, non pas sur le vif, mais au lendemain, quand la barricade est à moitié détruite. Bon, les barricades érigées à cette époque, elles ont pour seule fonction, c'est pas une barricade type commune qu'on doit tenir pendant des jours, elles doivent retarder le passage de la troupe, le passage des chevaux, faire chuter les chevaux, donc c'est quelques madriers. Il y a entre autres une barricade avec le cadavre d'un cheval de la troupe qui est mis en travers de la rue. Voilà, ça c'est quand même sur le vif, j'espère que c'est pas le lendemain. Le lendemain, la dépouille est restée longtemps puisqu'elle a été peinte aussi, justement il y a un peintre qui a représenté, la jument s'appelait Stocka. C'était une jument. Enfin, je ne sais pas si c'est important de le préciser, mais c'est un personnage maintenant de Limoges, la jument Estocade. Et donc, si c'est le lendemain qu'il a, le lendemain, voire le surlendemain, alors quand on voit ces barricades, elles semblent dérisoires, presque un petit peu ridicules, mais elles ne le sont pas du tout parce qu'elles sont construites très vite. Effectivement, elles bloquent le passage des chevaux. Et ce que vous expliquez très bien dans le temps des révoltes, c'est que on a beaucoup de cartes postales d'un moment de révolte très particulier, qui est l'agression, enfin l'entrée d'une troupe d'ouvriers ou d'ouvrières dans la maison du patron. Ah, okay. Et il y a une particularité, on les voit ruines fumantes, détruites, parce qu'en fait, une partie de la manifestation s'est dirigée vers la maison du patron. Et que des cartes postales rendent compte justement de la destruction de la maison du patronat. Oui, alors en général, c'est toujours pris le lendemain, le surlendemain. Bien sûr, ça n'est pas sur le moment. Mais alors, ça figure pas dans le temps des révoltes parce que c'est une révolte dont je traitais dans mon ouvrage précédent. Mais il arrive que les patrons posent au milieu des ruines de leur maison ou de leur mobilier saccagé. Oui, à Méru notamment, il y a des couples de patrons, les bras croisés devant leur lit défoncé, les fauteuils brisés. Et à Limoges, là, il y a le patron, peut-être le patron à Villon. On n'est pas la... sûr que ce soit à Villon, oui. La carcasse calcinée de sa voiture. Voilà, c'est peut-être le chauffeur d'Avillon, on ne sait pas. Parce qu'il ne me semble pas très élégant pour être monsieur Avillon lui-même, mais bon. On verra ça évidemment dans votre livre Le Temps des Révoltes qui paraît ces temps-ci aux éditions de L'Échappée. Des Bas Noirs de 1905, une composition de Gaston Maki interprétée par l'orchestre Pâté Frère. Alors faisons le saut au-dessus de la Première Guerre mondiale avec vous, Christian Yoschke. On était à la période de la Belle Époque, à l'instant avec Anne Steiner, et la photographie évidemment évolue, l'art de la photographie et aussi l'appropriation par les ouvriers eux-mêmes de cette question photographique. C'est le temps de l'agitprop, c'est les années 20 sur lesquelles vous avez travaillé. Oui, alors c'est un projet que je mène en ce moment autour de la photographie sociale et documentaire des années 20 et 30, en partenariat avec le Centre Pompidou, donc l'Université Paris-Ouest, le Centre Pompidou et le Labex Art H2H, autour de la collection Christian Boucret, qui est une collection qui est entrée dans les collections du Centre Pompidou en 2011, qui comprend 7000 photographies et qui a été exploitée, mais qui reste assez mal documentée. Et on a considéré les années 30, enfin les historiens de la photographie, les historiens d'art ont considéré les années 30 sous l'angle de la modernisation, de la modernité photographique, la modernité visuelle, la nouvelle vision, le surréalisme. Mais la question de la photographie sociale et documentaire reste encore assez peu explorée, malgré quelques études sur des figures saillantes comme Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, qui sont bien connus, Villiers-Ronis. Et donc le travail que nous menons avec le Centre Pompidou et Clément Chéroux, qui dirige le cabinet de la photographie, c'est d'une contextualisation de cette photographie documentaire et sociale dans le contexte international. C'est-à-dire, on essaie de comprendre comment les structures associatives de l'agitprop communiste à partir du milieu des années 20 ont considérablement influencé, ont non seulement donné un contexte de sociabilité, d'émulation à ces photographes, mais ont réellement agi sur leur éducation visuelle. Et voilà, donc tout bascule en fait en 1926. Mmh. C'est le moment où les partis communistes européens développent sous l'encouragement du Comintern, développent des sections d'agitation propagande. Et c'est le moment où un député allemand, Willy Münzenberg, décide en Allemagne de créer des cercles de photographes amateurs ouvriers, c'est-à-dire de politiser l'activité des amateurs qui existaient par ailleurs, y compris dans les milieux socialistes, mais qui n'avaient pas de vocation à produire de la propagande. On veut conquérir la machine d'observation, dites-vous, dans un article, en l'occurrence Christian Yoschke, c'est ça ? Absolument. Conquérir la machine d'observation, ça veut dire renverser le rapport de force entre presse bourgeoise d'un côté et électorat de l'autre, et faire en sorte que ce que Benjamin appelait l'inversion fonctionnelle de l'auteur et du producteur et du lecteur, hein, dans un texte de 1934 sur Brecht, soit accompli par ces photographes ouvriers. C'est-à-dire que c'est les photographes qui doivent parler de la condition ouvrière eux-mêmes dans des organes de presse dédiés aux photographes ouvriers. Donc ils créent en 1926 un journal qui s'appelle Le Photographe Ouvrier et qui sert un peu d'antichambre à la presse illustrée communiste de plus large diffusion, puisque les ouvriers envoient leurs photographies. Ces photographies sont ensuite reprises dans la presse hebdomadaire communiste, comme le Arbeiter Illustrierte Zeitung, qui est le journal illustré des communistes, des travailleurs. Vous avez choisi une photographie avec deux modes de représentation différentes. Vous nous la décrivez, cette photographie? Oui, alors j'ai choisi deux pages de deux organes de presse différents. Donc, d'une part, le journal ouvrier des travailleurs, Arbeiter Illustrierte Zeitung, qui est la création de Münzenberg, qui est un journal extrêmement novateur sur le plan de la mise en page, de l'utilisation du texte et des images, qui est imprimé en héliogravure. D'autre part, une page du petit journal mensuel Les Correspondants Ouvriers, de Arbeiter Photographe. Et on trouve sur ces deux pages la même photographie. Donc il s'agit de photographies d'émeutes, de révoltes, de manifestations qui ont eu lieu à Chemnitz en janvier 1930 et qui, il faut le rappeler, font suite à... Enfin, Chemnitz, c'est une ville du sud de la Saxe qui est frappée de plein fouet par le chômage, par la crise économique et qui... Et donc les milieux... communistes réagissent aussi depuis le mois de mai 1929 aux trois journées sanglantes de mai 1929. Donc il y a une sorte de tension très forte qui s'exerce et donc les manifestants. Alors la page est découpée en trois parties horizontales. En haut, nous avons deux portraits de manifestants tués. Ensuite, une bande sur leur lit de mort, donc sur leur lit dont l'un porte évidemment des traces de coups sur le visage. On voit qu'il a été tué avec violemment, des coups portés au visage. Absolument. Ensuite, une ligne horizontale, une photographie assez, une sorte de photographie un peu panoramique des obsèques de ces manifestants qui montre la foule silencieuse, célébrant ces deux manifestants. Et ensuite, ça prend à peu près la moitié de la page, c'est une grande photographie. C'est une vue de la fin de la manifestation et des policiers qui chargent les derniers passants. Et là, on revient donc sur cette rhétorique, l'inversion du regard, l'appropriation de la machine d'observation. C'est-à-dire que c'est une photographie qui est prise visiblement du premier étage d'un immeuble et qui donc à vue plongeante sur le dos des policiers et qui observe en quelque sorte ou rend compte, rapporte ce qui apparaît aux yeux des lecteurs comme des exactions policières. Mmh. Et pourquoi la deuxième Arbeiter photographe et la mise en scène de cette même photo dans le Arbeiter photographe mérite d'être comparée à la première, en l'occurrence Christian Joschke, que là, personnellement, je vois le titre, l'Arbeiter photographe, je vois une partie de texte, et là aussi, dans la deuxième moitié de la page, au rez-de-chaussée, il y a cette photographie des forces qui chargent la fin de la manifestation à Chemnitz. Alors, le rôle de cette revue mensuelle d'Arbeiter photographe, le photographe ouvrier, c'est d'inciter les photographes ouvriers à photographier les manifestations, surtout à partir de 1929, en tout cas d'encadrer l'activité des photographes amateurs ouvriers, et de réfléchir à l'usage des images. C'est-à-dire que c'est un discours sur l'image et sur la fonction des images. C'est-à-dire que dans le journal Ouvrier des Travailleurs, on a un reportage et on rapporte sur la manifestation. Dans le Arbeiter photographe, on rapporte sur les photographes qui ont pris les photos. Et donc il y a une éducation à l'image, à la photographie qui se fait à travers ce médium. Victor Massé de l'Épée. Justement, j'allais vous interroger sur cette question de l'éducation du public à la réception des images. Depuis la commune, Éric Fournier nous en a parlé, les photos, on l'a vu, sont ambivalentes. Est-ce que la façon dont qu'on a trouvé de lever cette ambivalence, c'est de, alors d'une part, je pense, de mettre en page ces photographies avec du texte, et le texte peut-être a un rôle essentiel et nécessaire, mais peut-être aussi d'éduquer le public. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que dans les années 30, on peut supposer que le public est plus éduqué et reçoit les images avec une grille de lecture un peu établie? Oui, alors tout à fait. Le but de ces mouvements d'agitation, de propagande autour de Münzenberg, c'est d'éduquer à l'image. L'image, c'est un langage. Et puis, alors, on répète à l'envi le terme « l'image est une arme dans la lutte des classes », etc. Mais l'image, c'est un langage auquel les lecteurs doivent être éduqués. Mais il s'agit aussi d'éduquer les photographes potentiels. Fabriquer des armées de correspondants photographes pour la presse communiste illustrée. Et c'est ce que dit Hermine Leupold, donc, dans l'Arbeiter photographe de 1931, que vous citez, en l'occurrence, Christian Joschke. En 1931, il dit, la photographie produit son effet le plus fort en capturant l'essentiel des moments les plus intenses. Un policier brandissant sa matraque, des ouvriers montant une barricade contre une attaque de nazis. Saisis au bon moment, ces événements deviennent des documents politiques de premier ordre. Oui, tout à fait. Alors, donc il y a une volonté de politisation de l'activité de photographe. Et il faut dire aussi qu'il y a une rhétorique de l'image qui se met en place à ce moment-là. C'est-à-dire que autant, comme le disait tout à l'heure Éric Fournier, la photographie des révoltes pendant la Commune ou dans la révolte des Sipayes, c'est une photographie extrêmement figée. Ici, il s'agit de dynamiser. Et les photographes regardent la façon, la forme qu'on va donner à ces reportages. Et clairement inspiré du cinéma et du cinéma soviétique. On regarde Poudovkine, on regarde Eisenstein, et c'est à travers cette approche multifocale, les gros plans, les plans d'ensemble, les vues en plongée, en contre-plongée, que le genre de la photographie de révolte va se transformer. Oui, pour la prise de vue d'une manifestation, la caméra, après avoir saisi la foule dans sa totalité depuis un point de vue élevé, se presse dans le cortège afin d'en sortir les éléments caractéristiques. C'est ce que disait Poudovkine et que vous citez dans votre article. Absolument. Victor Massé de l'Épinay. Oui, il y a une question qu'on n'a pas abordée et peut-être tous les trois vous auriez quelque chose à nous en dire, c'est celle de la censure, puisque ces images qui se diffusent, ces images qui sont ambivalentes, elles circulent. Je pensais en particulier pour les cartes postales, il y a des photographies qui sont manifestement assez favorables aux révoltes, aux insurrections. Il y en a avec des messages, ces photos sont envoyées, ces photos circulent, ces photos sont publiées dans la presse. Comment est-ce que ça se passe pour les photographes et pour le rapport entre la photo et les pouvoirs publics? Est-ce qu'on a le droit de tout diffuser? Il semble, en ce qui concerne les cartes postales, qu'il n'y ait pas eu de censure. Et certaines cartes, aujourd'hui, c'est vrai, passeraient mal. Enfin, quand les émeutiers de la veille posent assez goguenards, triomphants devant une maison en ruine, c'est quand même... Bon, dansons la Carmagnole, vive le son. On ne peut pas dire qu'il y a une neutralité du photographe, parce que c'est quand même... ça semble qu'il y ait pas mal d'empathie pour ces manifestants, ou de fascination. Alors, quant au texte, moi, je n'ai pas disposé d'un corpus assez important pour faire une analyse textuelle, mais souvent, ils n'ont pas de rapport avec l'événement lui-même. Ou alors, c'est très euphémisé. Non, mais il y a ce petit peut-être exemple, à cause de la censure. Il y a ce petit exemple dans la grève des cheminots d'une pièce de 5 francs qui est mise dans le coin gauche de la carte postale avec marqué en dessous, c'est la thune qu'ils auront. Oui. Bon, le langage, peut-être qu'il faut nous expliquer ce que ça veut dire, mais on sent dans le vocabulaire que c'est un langage. Et pourtant, ça, c'est un grand éditeur qui a publié ces photos, qui a réalisé, qui déjà avait fait tout un reportage sur le rail, la vie du rail, etc. Et c'est vrai qu'en apposant cette pièce de 5 euros avec le slogan phare, c'est la thune, il demandait le salaire minimum à 5 francs. 5 francs, une thune, donc. Ça semble se positionner du côté des revendications cheminots. Est-ce que les photos de Bruno Braquehé, dont vous dites qu'il était peut-être le seul photographe à photographier la commune avec un peu d'empathie, Éric Fournier, ont été plus ou moins vus que les photos de tous les autres qui étaient là pour critiquer justement, quelle est la réception justement de ce pas de côté par rapport à l'ensemble des photographes de la commune? Mais sur le moment, je crois qu'il est pas plus ou pas moins reçu que les autres. Alors là, il y a une très forte censure pour la commune, ce qui explique aussi la surreprésentation des ruines. Bien sûr. Et effectivement, quand Braquehé montre la destruction de la colonne Vendôme, la polysémie de l'image fait que ça peut passer la censure. Mais définitivement, ce qui marche le mieux pendant la commune, y compris des expositions internationales, c'est évidemment la ruine de la capitale du 19e siècle, Paris. Mmh. Y compris aux États-Unis, y compris en Angleterre, où on vient faire des voyages pour pouvoir voir les ruines, etc., le temps que les bâtiments soient reconstruits. Dès le 5 juin, les touristes anglais reviennent à Paris, oui, avec l'agence Cook. Mais vous dites, Éric Fournier, qu'il y a néanmoins une censure pendant la commune. Elle s'exerce à quel moment? Elle s'exerce C'est après la victoire versaillaise. Pour être enregistré au dépôt légal, il faut passer par une commission de censure. Paris est en état de siège jusqu'en 76, quand même, donc la censure est un s'insère dans un dispositif. Christian Yoschke, à propos de la censure pour ces images ouvrières faites par les ouvriers dans les années 20 et 30, à la fois en URSS, alors évidemment la censure soviétique, on sait ce que c'était, mais en Allemagne ou en France à cette époque-là? Alors en Allemagne, dans l'Allemagne de Weimar, il n'y a pas de censure. Donc les journaux illustrés sont diffusés. En revanche, il y a une surveillance très très de près par la police des activités d'agitprop. On retrouve dans les archives du Bundesarchiv beaucoup de dossiers de police surveillant les photographes ouvriers. On trouve aussi des témoignages de photographes dans les manifestations qui sont inquiétés par la police, qui sont poursuivis par la police, donc dont les appareils sont confisqués par la police. Donc il y a certes il y a une tension forte autour de cette question de la représentation des révoltes. En revanche, Haït 7 publie sans passer par un organisme de censure, c'est bien évident. Et pour la France de l'entre-deux-guerres, c'est le cas aussi. La revue Regard, sur laquelle on va se pencher pour dans le cadre de notre projet avec le Centre Pompidou. La revue Regard, qui est plus ou moins coordonnée par Léon Roussinac, qui est un cinéaste amateur de cinéma, premier critique cinématographique et même des ciné-clubs. C'est l'inventeur des ciné-clubs, c'est le critique de cinéma de l'Humanité, le directeur de la revue Regard, et c'est lui qui essaye d'importer le principe des photographes ouvriers, des amateurs photographes ouvriers, APO, en France, avec un peu moins de succès que Münzenberg en Allemagne. Mais là, la recherche est en cours et on cherche activement des fonds d'amateurs photographes ouvriers. Donc c'est un appel que vous lancez. C'est un appel que je lance. Si on a dans les greniers des photographes ouvriers qui ont laissé des archives, vous êtes très intéressé pour travailler seulement sur son caractère documentaire, mais aussi, ce que vous expliquez très bien, Christian Yocheux, sur son caractère esthétique. Y a-t-il eu des pas de côté par rapport à la question esthétique voulue, par exemple, par le jdanovisme, par tout un tas de critères esthétiques socialiste et la pensée socialiste et communiste de la photographie? C'est une question que vous vous posez et vous n'avez pas encore la réponse. Absolument, c'est une question qui est encore ouverte. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission autour de la photographie et du rapport et de l'apport de la photographie à la mise en image des révoltes au 19e et au début du 20e siècle. Il faut citer donc votre livre qui paraît le 14 novembre, Hans Steiner, aux éditions de L'Échappée, Le temps des révoltes, une histoire en carte postale des luttes sociales à la Belle Époque. On peut citer aussi, on ne l'a pas cité, mais Bertrand Tillier, La Commune de Paris, Révolution sans images, aux éditions Champvallon, qui est un livre qui a fait effectivement date lorsqu'il est paru, je crois que c'était en 2004 ou quelque chose comme ça. Éric Fournier, on peut vous lire entre autres dans Paris, l'insurrection capitale, dirigé par Jean-Claude Caron, toujours aux excellentes émissions Champvallon. Et Christian Yocheux, eh bien, on peut vous lire dans Photopoche, pour un Photopoche sur la Première Guerre mondiale, et également votre thèse, Les yeux de la nation, photo amateur et société dans l'Allemagne de Guillaume II aux presses du réel. Victor Massé-Lépiné. Et un colloque demain à Lausanne. Citer. Effectivement, un colloque à Lausanne, c'est quoi? Alors, c'est un colloque sur l'histoire des musées de photographie documentaire qui se tient donc à l'Université de Lausanne et à l'Université de Genève sous la direction de Olivier Lugon, Estelle Saulier, Anne Lacoste, en partenariat avec le musée de l'Élysée, qui est le musée de la photographie de Lausanne. Absolument, qui présente la collection iconographique vaudoise. Et on a beaucoup d'auditeurs du côté de la Suisse, donc s'ils veulent rejoindre ce colloque, c'est donc demain. Demain à l'Université de Lausanne et vendredi à l'Université de Genève, l'UNIMAI. Merci à tous. Cette émission, comme d'habitude, était préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marsay. Jacques Hubert était avec nous à la technique. Anne Fleury à la réalisation. On se retrouve demain, Victor Massé-Lépinay, pour évoquer un autre art, celui du XXe siècle, le cinéma, et comment le cinéma a-t-il rendu compte de la question des révoltes et des révolutions.